Ici Projet Morse. Aujourd'hui on écoute une sélection de Marion Krauss. Thank you.

Thank you.

Voilà, c'est tout. C'était une sélection de Marion Cross, pour Projet Morse. Replay bientôt sur Internet Archive et sur SoundCloud. Prochain événement de Projet Morse. Le 9 juin, 19h30. Concert de EMAT puis B2BL plus B. Au Troc à Bergerac. Prix libre, buvette et manger. Bisous. Bisous. Bisous. Voilà. Bisous. Voilà, bisous. Voilà, c'est tout. Bisous. Voilà. Voilà, c'est tout. Bisous. Projet Morse.